Chapitre 15. À propos de la parole d'Allah, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Sourate Saba, verset 23. Dans le recueil de hadiths authentiques, c'est-à-dire le Sahih al-Bukhari, Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, lorsque Allah décrète un ordre au ciel, les anges battent des ailes par soumission à sa parole. Ils sont alors effrayés par le son de cette parole, comparable au choc d'une chaîne de métal sur un rocher. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Sourate Saba, verset 23. Cette parole est entendue par un djinn qui prête discrètement l'oreille. Or, ces espions sont juchés les uns sur les autres, Sofiane illustra cela en écartant les doigts de sa main inclinée, et celui qui a entendu la parole la transmet à ceux qui sont au-dessous de lui, et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'à ce qu'elle atteigne le sorcier ou le devin. Mais il est possible que cet espion soit touché par un météorite avant de transmettre la parole, comme il se peut qu'il la transmette avant d'être atteint. Le sorcier ou le devin rajoute alors sans mensonge à cette information, et les gens de dire « Ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour ?» Mais il sera considéré véridique en raison de cette parole qui a été entendue des cieux. An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agré, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah le Très-Haut désire révéler quelque chose, il énonce la révélation et les cieux en tremblent, à moins qu'il ait dit, ou s'ébranle fortement, par crainte d'Allah jalla wa ala. Lorsque les occupants des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent en prosternation devant Allah. Le premier à relever la tête est Jibril, l'ange Gabriel, à qui Allah révèle ce qu'il veut. Puis, les anges de chaque ciel, voyant Jibril passer près d'eux, lui demandent « Qu'a dit notre Seigneur, ô Jibril ?» Il répond alors « Il a dit la vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Et tous les anges doivent répéter les mêmes propos que Jibril. Ce dernier transmet alors la révélation là où Allah Jalla wa Ala lui a ordonné de le faire. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset. Deuxièmement, ce qu'elle comporte comme annulation du polythéisme, et en particulier pour ceux qui s'attachent aux pieux. C'est d'ailleurs ce verset dont il est dit qu'il déracine le polythéisme ancré dans le cœur. Troisièmement, l'explication de la parole d'Allah. Ils répondront, la vérité, c'est lui le sublime, le grand. Sourate Saba, verset 23. Quatrièmement, la raison de la formulation de cette question de la part des anges. Cinquièmement, Jibril leur répond en disant, il a dit telle et telle chose. Sixièmement, le premier à relever la tête est Jibril. Septièmement, il répond à tous les occupants des cieux, car ils lui ont tous posé la question. Huitièmement, le foudroiement touche tous les occupants des cieux. Neuvièmement, le tremblement des cieux en raison de la parole d'Allah. Dixièmement, c'est Jibril qui transmet la révélation là où Allah Jalla wa Ala lui ordonne de le faire. Onzièmement, le vol d'informations par les démons. Deuxièmement, l'illustration de la juxtaposition des démons les uns sur les autres. Treizièmement, l'envoi des météorites. Point numéro 14, l'espion est parfois atteint par un météorite avant de transmettre la parole et la transmet parfois à l'oreille de son maître parmi les humains avant que le météorite ne l'atteigne. Point numéro 15, le devin peut être véridique parfois. Point numéro 16. Il ajoute sans mensonge à cette vérité. Point numéro 17. les gens n'accordent crédit à ses propos qu'en raison de la parole qui lui est parvenue du ciel. Point numéro 18. La prédisposition des esprits à accepter le faux. En effet, comment peuvent-ils s'attacher à une parole vraie en mettant de côté les 100 autres mensonges? Point numéro 19. La transmission de cette parole de proche en proche. Ils la prennent et l'utilisent comme argument. 20e point. L'affirmation des attributs divins contrairement aux Ash'arites négateurs. Point numéro 21. La déclaration concernant le fait que le tremblement et le foudroiement sont dus à la crainte d'Allah Jalla wa'ala. Point numéro 22. Les occupants des cieux tombent en prosternation pour Allah. Note du traducteur. Les Ash'arites est une secte qui a dévié de la voie des gens de la Sunna, notamment en niant les attributs d'Allah Jalla wa'ala. Commentaire. Sur le sens du verset, quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire lorsque la frayeur se sera éloignée du cœur des anges. Les anges ont de profondes et importantes connaissances au sujet d'Allah Jalla wa'ala. Ainsi, parmi ces connaissances, il y a le fait qu'ils savent qu'il est l'altier, El-Jabbar, note du traducteur, El-Jabbar a plusieurs significations, une dans le sens de celui qui guérit, réconforte, soulage, une autre dans le sens de celui à qui tout est soumis, celui qui est au-dessus de tout, le dominateur suprême, l'orgueilleux, l'exempt de tout défaut et d'imperfection. Fin de citation. Le magnifique Jalla wa'ala, le possesseur du royaume. C'est pourquoi leur frayeur s'accroît à son égard, car ils ne peuvent se passer de lui, Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Les attributs présentant cet argument décisif sont des attributs de magnificence, Sifatul Jalal, pour Allah Jalla wa'ala. En effet, les attributs divins se divisent en différentes catégories en fonction de l'approche qu'on en a. Parmi ces approches, il y a celles qui divisent les attributs en deux catégories, les attributs de magnificence et les attributs de beauté, Sifatul Jamal. La catégorie provoquant la crainte, la frayeur et l'effroi à l'égard du Seigneur Jalla wa'ala est celle des attributs de magnificence. Or, en réalité, celui qui se caractérise par les attributs de la magnificence n'est autre qu'Allah Azza wa Jal, car il est le parfait dans ses attributs. Dès lors, c'est le parfait dans ses attributs qui mérite l'adoration. Quant aux êtres humains créés, ils sont limités dans leurs attributs. Ils savent que leur vie n'est pas une vie parfaite, car si un événement se produit, ces créatures meurent ou tombent malades. Elles sont donc faibles, pauvres et indigentes. Elles n'ont pas d'attributs de perfection, ce qui est une preuve de leur défectuosité et de leur impuissance. C'est ainsi une preuve de leur soumission à la domination de la Seigneurie d'Allah. Il est donc obligatoire pour les serviteurs de s'adresser à celui qui possède les attributs de la perfection, les qualificatifs de la beauté et de la magnificence, c'est-à-dire Allah unique. C'est d'ailleurs le but de la mention de ce chapitre, ce qui est clairement établi par la grâce d'Allah.